إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان المبارك وهو المسجد إذ هو أفضل البقاع إلى الله عز وجل. En premier lieu, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans cet endroit béni qui est la mosquée et qui est le meilleur des endroits pour Allah jalla wa ala. Wa ba'du fa inna Allah subhanahu wa ta'ala أكرم الجن والإنس بالتكليف فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a gratifié, il a honoré les djinns et les hommes en leur donnant une certaine responsabilité. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils m'unifient dans l'adoration. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Et en vérité, c'est Allah Azza wa Jal qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable Jalla wa Ala. Wa man haqqaqa al-ubudiyyata lillah kana fi a'la عليين في جنات النعيم ومن ضيعها كان في أسفل سافلين في الجحيم والحميم عياذا بالله. Il faut savoir également que celui qui concrétise ce pourquoi, eh bien, il a la responsabilité et qui concrétise, eh bien, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il sera au plus haut niveau, au plus haut niveau dans le paradis, au plus haut niveau du paradis. Et celui qui est distrait et qui délaisse ce pourquoi il est responsable, yani qui délaisse l'adoration d'Allah Azza wa Jal, eh bien il sera lui au plus bas des niveaux, dans la fournaise et en enfer. Wal'iyadhu billah. Wa qad dhakara al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi tariq al-hijratayn anna al-insan la yumkinu an yuhaqqiqa al-ubudiyyata fi al-dunya ala al-wajh alladhi يرضيه سبحانه وتعالى إلا بالقوة العلمية والقوة العملية. الإمام ابن القيم رحمه الله il nous explique dans son livre طريق الهجرتين que eh bien l'être humain ne pourra concrétiser l'adoration d'Allah Azza wa Jal dans cette vie d'ici-bas et selon ce qui satisfait Allah Azza wa Jal, si ce n'est eh bien avec la force de la science et la force des œuvres. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مدينة ما لا بد أن يعرف الطريق ولا بد أن يكون له أو أن تكون له قوة بدنية ومالية ليصل إليها. Exemple, celui qui veut arriver à une ville, la première des choses c'est qu'il doit connaître et savoir le chemin, par quel chemin passer. Et ça, eh bien, c'est la science, connaître le chemin. Et la deuxième des choses, il faut qu'il ait une capacité, eh bien, physique et également financière, pour pouvoir accéder à cette ville par ce chemin. وَكَذَلِكَ جَنَّاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ Il en va de même pour accéder au paradis d'Allah Azza wa Jal. Il faut avoir la science et la capacité physique de le faire, c'est-à-dire œuvrer avec la science que tu connais. فَلَبُدَّ أَن تَعْلَمَ شُرُوطَ دُخُولِهَا الَّتِي هِيَ تَوْحِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ Il faut connaître les conditions qui te font entrer dans ce paradis. Les conditions, eh bien, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتِّبَعِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Également, suivre le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم واتقاؤه تعالى également craindre Allah عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى ورحمته وتوفيقه يقول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون et donc il faut craindre Allah سبحانه وتعالى en se conformant à ses ordres et en délaissant ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et tout ceci, eh bien, ne se fera que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, que par ses bienfaits et que par sa miséricorde. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. فَيَتَّضِحُ مِنْ هَذَا الْكَلَامَ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ أَنَّ الْعِلْمَ الشَّرْعِ لَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ وَمَقَامٌ عَالٍ كَرِيمٌ عند العليم الرحيم. Et de là on voit, et il est clair, hein, d'après les paroles qu'on vient de voir, qu'on vient d'écouter, que la science légiférée a une grande place auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. لأنه لا يمكن تحقيق الغاية من الخلق التي هي العبادة إلا به. Pourquoi elle a une grande place? Car on ne peut concrétiser le but pour lequel nous avons été créés, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est eh bien avec la science religieuse. On ne peut concrétiser cette adoration si ce n'est avec la science. ولذلك كان خير عبادة. Et c'est pour cette raison que la science religieuse est la meilleure des adorations. فقال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. L'imam Ahmad rahimahullah, il disait rien n'est équivalent à la science pour celui dont l'intention est bonne. Rien n'équivaut à la science pour celui dont l'intention est bonne. وقد وردت في الكتاب والسنة عدة فضائل ومكارم للعلم الشرعي. Il faut savoir que dans le Coran et la Sunna, énormément de textes sont rapportés qui prouvent les bienfaits et l'honorabilité de la science religieuse. La science religieuse élève en degré et également réforme le comportement et incite celui qui la demande à faire des efforts. Et ici nous allons évoquer ce qu'Allah Azza wa Jal, le généreux, eh bien, nous facilitera d'évoquer comme bienfait de la science religieuse. فأولا أن الله سبحانه وتعالى رفع مقام العلماء بأن قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على حقه تعالى الذي هو يعني حقه هو إفراده بالعبادة. يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. La première des choses, ou le premier des bienfaits qui prouve le bienfait de la science religieuse, eh bien, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le degré des gens de science. Et il a apposé leur attestation à son attestation à lui, et à l'attestation, eh bien, des anges. Hein, son attestation qu'il n'y a din, il n'y a pas yani, de divinité digne d'adoration avec vérité si ce n'est Allah Azza wa Jal. Il a apposé Allah subhanahu wa ta'ala son attestation sur cela avec yani, l'attestation des gens de science et l'attestation des anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science, à qui Allah azza wa jal a donné la science qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est lui. Le mainteneur de justice, point de divinité à part lui, le puissant le sage. Et ça, ça prouve eh bien l'honorabilité et le rang élevé de ceux qui apprennent la science et des savants. وثانياً ذكر تعالى أنه يرفع علماء الشريعة العاملين في الدنيا وفي الآخرة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, deuxièmement, Allah azza wa jal nous informe qu'il élève les savants hein, qui connaissent et qui ont la science de la législation musulmane, hein, ceux qui appliquent eh bien, cette législation ici-bas et dans l'au-delà. Allah azza wa jal les élève en degré. Yaqulullahu azza wa jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah azza wa jal, dans la traduction approximative des sens, il dit Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Prouve qu'Allah Azza wa Jal, celui qui eh bien, recherche la science et qui apprend sa religion, Allah Azza wa Jal l'élèvera en degré ici-bas et également dans l'au-delà. Thalithan, wasafa subhanahu wa ta'ala ulama al-shari'a al-mukhlisin bil-khashyati minhu subhanahu wa ta'ala. وبالإيمان بكتابه وصفهم بالإيمان بكتابه. الله عز وجل également parmi ce qui prouve l'honorabilité et la respectabilité de la science, c'est qu'Allah عز وجل décrit les savants hein, qui sont savants de la législation musulmane et qui sont sincères comme ceux qui le craignent et comme ceux qui croient en son livre. يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله عز وجل nous dit dans le Coran, et parmi ses serviteurs seuls les savants le craignent. Seuls les savants يعني qui connaissent la législation hein, et qui ont appris la science le craignent Allah عز وجل. Et il dit dans un autre verset, fi surat Ali Imran, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science, qui ont appris la science, eh bien disent, nous y croyons, nous croyons au livre d'Allah Azza wa Jal. Tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Rabi'an, qaddam Allah Azza wa Jal, al-ilma ala al-iman. Quatrièmement, et ceux qui prouvent l'honorabilité de la science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a devancé la science sur la foi. Hein? فَقَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِلْمَ عَلَى الْإِيمَانِ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ الْإِيمَانَ الصَّحِيحُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ. Pourquoi il a devancé la science sur la foi? Parce que la foi authentique ne peut être effective que par une science authentique. ووصف أهل العلم بالثبات يوم القيامة وبأنهم كانوا على الحق في الدنيا. Et Allah Azza wa Jal également, il décrit les gens de science, hein, et il dit que les gens de science seront raffermis le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils étaient sur la vérité ici-bas. يقول الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. Ici, eh bien, il devance la science sur la foi. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الله عز وجل il dit, tandis que ceux à qui le savoir et la foi, ici il fait devancer la science, le savoir sur la foi, tandis que ceux à qui le savoir, la science et la foi furent donnés diront, vous avez demeuré d'après le décret d'Allah Azza wa Jal jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez pas. Khamisan, annahu ta'ala lam ya'mur nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yas'alahu ziyadata min shay'in illa min al-ilm. Ce qui prouve également les bienfaits de la science légiférer, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas ordonné à son messager Muhammad, alayhi salatu wassalam, de lui demander de lui rajouter une chose si ce n'est la science. Yaqulullah Azza wa Jal, wa qur rabbi zidni ilma. Allah Azza wa Jal, il ordonne à son prophète, de lui demander de lui rajouter une seule chose, c'est la science. Allah Azza wa Jal, il lui dit, et dit, ô Seigneur, accrois mes connaissances, accrois mon savoir, accrois ma science. C'est la seule chose qu'Allah Azza wa Jal a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de lui rajouter. Sadisan, et ça prouve, eh bien, les bienfaits et l'honorabilité d'apprendre sa religion. Sadisan, annahu ta'ala istafa ahl al-ilm wa wasafahum aw wasafa ma 'indahum bil fadl al-kabir wa wa'adahum bi jannati 'adn. إذ قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Sixièmement, ce qui prouve eh bien, les bienfaits d'apprendre sa religion et qui prouve les bienfaits de la science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et élu les gens de science sur les autres. Et il décrit que ce qu'il possède, c'est-à-dire la science, eh bien, est un grand bienfait. Et il leur a promis également le paradis d'Éden. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fi surati Fatir, il dit ensuite, nous fîmes hériter du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. At-Tabari, fi tafsirihi, dans son tafsir, il dit, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis, c'est-à-dire la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, et d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Allah Azza wa Jal, ici, il distingue trois catégories dans la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. La première catégorie, et la plus haute en degré, c'est ceux, eh bien, qui, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Et cela, comme il est rapporté dans le tafsir, eh bien, certains disent que ce sont ceux qui vont entrer au paradis sans rendre de compte. Et la deuxième des catégories, c'est ceux qui étaient sur une voie moyenne. Ceux-là, eh bien, leurs comptes leur seront facilités. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ceux-là, comme il est rapporté dans les livres d'explication du Coran, de tafsir, ce sont ceux qui auront des comptes à rendre. À tel point, yani, qui seront dans l'endroit où est-ce que ils rendront des comptes, à tel point que le malheur les affligera. Et ensuite, ils rentreront au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, eh bien, il distingue trois catégories parmi, eh bien, la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit, telle est la grâce infinie. Telle est la grâce infinie, yani, la science qu'Allah Azza wa Jal a donnée à cette communauté. Les jardins d'Éden où ils entreront parés de bracelets, où ils entreront parés de bracelets en or, ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements seront de soie. Donc ça, Allah Azza wa Jal, il décrit cette communauté comme étant une communauté de science, qu'Allah Azza wa Jal a élu et a choisi par la science. Et il décrit cette science comme étant une grâce infinie, émanant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça prouve les bienfaits de cette communauté et de la science qui lui a été donnée. سابعاً أنه تعالى وصف العلم بالروح لأنه يحيي به القلوب والنور الذي يضيء به الطريق إذ يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Allah Azza wa Jal, ce qui prouve les bienfaits de la science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit la science comme étant une âme avec laquelle Allah Azza wa Jal fait revivre les cœurs. Et également il décrit cette science comme étant une lumière avec laquelle Allah Azza wa Jal éclaire le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fi surat Ash-Shura, la consultation, il dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, yani le Coran. Et dans le Coran détient toute la science. Hein, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Avant que le Coran ne te soit révélé, tu n'avais aucune science. Tu ne savais ni ce que c'était le livre, ni ce que c'était la foi. Et nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et Allah Azza wa Jal nous dit que cette science, eh bien Allah Azza wa Jal en a fait une lumière avec laquelle il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, parmi ses serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un droit chemin. Et ce qui prouve également les bienfaits de la science, annahu ta'ala rafa'a al-'alima 'ala al-jahil. Ce qui prouve l'honorabilité et les bienfaits de la science, c'est qu'Allah Azza wa Jal a élevé celui qui est doué de savoir sur l'ignorant. يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? La réponse est non. Celui qui sait et qui ne sait pas, ils ne sont pas égaux. Hein? Celui qui sait, il n'est pas égal à celui qui ne sait pas. Il n'est pas égal à l'ignorant. Donc là, on voit que celui qui sait, Allah Azza wa Jalla l'a élevé par rapport à l'ignorant. وقد ذكر بعض العلماء أنه تعالى فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل. Et certains savants, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a favorisé le chien à qui on a appris une chose sur le chien ignorant. بأن أباح أكل صيده واقتنائه. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal ici, le chien savant à qui on a appris une chose, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite ce qu'il a chassé pour nous, ce qu'il a attrapé, et il nous a rendu licite le fait de le posséder et de le garder avec nous. Et il nous a rendu licite, eh bien, sa vente, et également le fait de l'éduquer. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Que vous avez dressés, à qui vous avez appris. Hein? En leur apprenant ce qu'Allah Azza wa Jal vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent, yani ce qu'elles ont capturé pour vous, et prononcez dessus le nom d'Allah Azza wa Jal. Et craignez Allah Azza wa Jal, car certes Allah subhanahu wa ta'ala est prompt dans les comptes. De là on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a même favorisé le chien à qui on a appris une chose sur le chien ignorant. Et ça prouve, eh bien, l'honorabilité et la respectabilité et les bienfaits de la science. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا رعي ولا حراسة نقص من أجره في كل يوم قيراطا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, celui qui possède un chien verra diminuer chaque jour la récompense de ses bonnes actions d'un qirat. Un qirat, c'est l'équivalent du mont Uhud en bonnes actions. Sauf si ce chien est destiné pour la garde des champs ou des troupeaux. Et dans une autre version, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, sauf s'il s'agit d'un chien de berger, de garde des champs ou d'un chien de chasse. De là, on voit que, eh bien, le chien à qui on a appris une chose, tu peux le garder, tu peux le vendre, tu peux l'éduquer, tu peux lui apprendre, hein, et tu peux, yani, en tirer utilité et bénéfice. Ce n'est pas comme le chien qui ne connaît rien. Et de là, on voit que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, eh bien, ils ne sont pas égaux. Même chez les animaux. تاسعا يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: chaque fois que des gens se réunissent dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal, comme ici par exemple, ils lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étudient entre eux, la quiétude les envahisse, la miséricorde les enveloppe et les anges les entourent. Et Allah Azza wa Jal les mentionne chez lui. Et anna Allah Azza wa Jal يختص مجالس العلم بهذه الفضائل العظيمة. C'est-à-dire dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, spécifie les assises de science, où est-ce qu'on apprend la religion, et où est-ce qu'on étudie le livre d'Allah azza wa jal, et les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, de certaines spécificités, et de certaines caractéristiques, qui sont le fait que la quiétude les envahisse, et que la miséricorde les enveloppe, et que les anges les entourent, et qu'Allah Azza wa Jal les mentionne chez lui. Et quelle meilleure chose que ces choses-là. C'est pour cette raison que la personne doit être assidue à apprendre sa religion, et à venir dans les assises de science, et à ne pas être distraite dans les futilités et autres de la vie mondaine. Et dans une autre version, il est dit: يقول الله عز وجل في رواية أن الملائكة قالت لله عز وجل: إن منهم فلانا لم يأتي للعلم، فقال تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et dans une autre version, les anges diront: il y a parmi eux un tel, une personne qui n'est pas venue pour la science, il est venu pour autre chose, il attend peut-être quelqu'un qui assiste à cette assise de science. Et il attend pour une autre affaire qui n'a rien à voir avec la science. Allah Azza wa Jal, les anges, en posant cette question, c'est comme s'il disait: est-ce qu'il aura la même récompense? Est-ce qu'il sera parmi eux? C'est-à-dire que est-ce qu'il sera enveloppé de la miséricorde? Est-ce que les anges devront l'entourer? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va le mentionner? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dira: ils sont la bonne assise, et ceux qui s'assoient avec eux ne seront jamais malheureux. Même si tu viens pour autre chose et que tu es dans une assise de science, tu seras, dans cette description, tu seras, spécifié de ces spécificités bi'idhnillahi ta'ala. Et ça prouve les bienfaits énormes des assises de science et de la science en elle-même. Ashiran. أنه عليه الصلاة والسلام أضاف أهل العلم إلى الله تعالى إضافة تشريف وإجلال، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. Également, ce qui prouve les bienfaits de la science, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a joint les gens de science et les a annexés à Allah Azza wa Jal. Une annexion qui prouve quoi? Qui prouve leur honorabilité et leur respectabilité de ces gens de science et des gens qui apprennent la science. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. Les gens du Coran sont les proches d'Allah et ses privilégiés. Il les a joints. Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a joint les gens qui apprennent la science avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit les gens du Coran, c'est-à-dire les gens qui le lisent, mais pas seulement, parce que le Qurra, kathirun, ceux qui lisent le Coran, il y en a beaucoup. C'est pas juste le lire, mujarrad qira'a, c'est pas ça qui est voulu par les gens du Coran. C'est ceux qui le lisent, qui l'apprennent, qui le comprennent, et surtout qui le mettent en pratique, en adhérant à quoi? À ce qui se trouve dedans comme croyance, et en se conformant aux ordres du Coran, et en s'écartant des interdits qui sont mentionnés dans le Coran. C'est ça les gens de science. C'est ça les gens du Coran. Et les gens du Coran sont les proches d'Allah Azza wa Jal, et ce sont ses privilégiés. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. حادي عشر، أخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل العلم خير الناس بقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويدخل فيه جميع علوم القرآن. Également, ce qui prouve les bienfaits et l'honorabilité de la science, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, informe que les gens de science sont les meilleurs des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran. Et comme on a dit, les gens qui apprennent le Coran, ce n'est pas juste le fait de le lire et de l'apprendre par cœur. C'est le fait de le comprendre et surtout de l'appliquer. Celui qui apprend, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et rentre dans le Coran, toutes les sciences du Coran, soit le fiqh, l'aqida, il y a ذلك. Toutes les sciences du Coran rentrent dans ce hadith. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et toutes ses sciences, et celui qui les a enseignées. ثاني عشر قال صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحوت في البحر. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Également, parmi les bienfaits de la science, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit: les mérites du savant sur l'adorateur, et comme on le verra, le savant, ce n'est pas comme un adorateur. Et comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Et dans une autre version, le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme mon mérite par rapport au plus bas d'entre vous. Imaginez-vous, le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au plus bas. Ça prouve le bienfait de la science et de son apprentissage. ثاني عشر قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تصلي على معلم الناس الخير. وصلاة الملائكة هي الدعاء والاستغفار. Également, parmi ceux qui prouvent les bienfaits de la science et le fait d'apprendre la science, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam: certes, les anges prient sur celui qui apprend aux gens le bien. Qui apprend aux gens le bien. Le bien, c'est quoi? C'est la science. Et la prière des anges, c'est invoquer pour la personne et implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal pour cette personne. رابع عشر أن الله تعالى يسهل وصول أهل العلم إلى الجنة. Également, ce qui prouve les bienfaits de la science, c'est qu'Allah Azza wa Jal facilite aux gens de science qui apprennent la science, eh bien, l'accession et l'arrivée au paradis. وَيُيَسِّرْ لَهُمْ أَسْبَابَ ذَلِكَ. Également, il leur facilite les causes pour accéder au paradis. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Prophète صلى الله عليه وسلم, il dit: celui qui prend un chemin dans lequel il recherche une science, eh bien Allah Azza wa Jal lui facilitera un chemin qui mène vers le paradis. وَيَدْخُلُ فِي الطَّرِيقِ كُلُّ وَسِيلَةٍ لِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ. Il rentre dans ce chemin que tu prends pour acquérir la science, rentre dans ce chemin toute cause qui peut, avec laquelle tu peux acquérir une science. كاقتناء الكتب وسماع الدروس وقراءة المقالات الشرعية من الشبكة العنكبوتية. Il rentre bien dans ce chemin toutes les causes et tous les moyens avec lesquels tu acquiers la science, comme posséder des livres par exemple, écouter des audios des cours, hein, que ce soit par CD ou sur Internet ou des cassettes comme avant, ou également lire, hein, certaines paroles de gens de science ou lire un hadith. C'est pour cette raison que, ayyuhal ikhwa, il ne faut pas être distrait. Hein. Même une parole, un hadith, tu le lis, et eh bien, c'est un chemin, bi'idhnillahi ta'ala, qui va te mener à quoi? Au paradis. Hein, c'est une cause qui va te mener au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Pour cette raison que la personne ne doit pas être distraite. Elle doit être éveillée et prendre conscience de l'importance de sa religion et de son apprentissage. Khamisu ashar, anna al-mala'ika tuhibbu ahl al-ilm. وتضع أجنحتها لهم في الطرق والمسالك إكراما لهم وإجلالا فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Prophète صلى الله عليه وسلم ou ce qui prouve l'honorabilité de la science, c'est que les anges aiment les gens de science, aiment les gens qui apprennent la science et qui apprennent leur religion, et que ces gens, anges, rabaissent leurs ailes pour celui, hein, qui demande la science, et ceci pour montrer l'honorabilité et le bienfait dans laquelle est celui qui recherche et demande la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que les anges rabaissent leurs ailes pour le demandeur et celui qui recherche la science. Sadis wa ashar, anna Allah ta'ala yunji al-usata min an-nar bi ahli al-ilm. Ce qui prouve également l'honorabilité de la science et des gens de science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve ceux qui commettent des péchés, hein, du feu, par la cause des gens de science. Faqad akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أن رجلا قتل 99 نفسا فذهب إلى عابد فسأله هل لي من توبة. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'un homme a tué, comme vous savez, vous connaissez le hadith, un homme a tué 99 personnes. 99 personnes. Et cet homme est donc allé voir un adorateur. Une personne qui adorait, hein, Allah Azza wa Jal. Et il lui a demandé, est-ce qu'il y a pour moi un repentir? Est-ce que pour moi, il y a un repentir? Et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre l'abid ou l'alim. Il y a une différence entre l'adorateur et le savant, celui qui détient la science. L'adorateur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, قَالَ لَهُ لَا تَوْبَةَ لَكَ. Il n'a pas de repentir, c'est fini, 99. Qu'est-ce que tu veux faire en plus? Comment tu veux qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, accepte ton repentir? فَأَكْمَلَ بِهِ الْمِيَا. En entendant ces paroles, il a tué, il a clôturé les 100. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى عَالِمْ. Ensuite, il est parti voir un savant. فَسَأَلَهُ نَفْسَ السُّؤَالِ. Il lui a demandé la même question. Il a posé la même question. فَقَالَ لَهُ الْعَالِمْ وَمَنْ يَحْجُبُ عَنْكَ تَوْبَةَ اللَّهِ. Donc le savant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, qui pourrait voiler, hein, يعني, le repentir d'Allah Azza wa Jal, te voiler le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ نَصَحَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدٍ فِيهِ قَوْمٌ صَالِحُونَ. Ensuite, il lui a donné un conseil. Et là, on voit, hein, les gens de science, c'est pas comme un adorateur. Il l'a conseillé. Il lui a dit de sortir de la contrée dans laquelle il était, pour aller dans une autre contrée où est-ce qu'il y avait des gens pieux. فَلَمَّا انْتَصَفَ الطَّرِيقِ حَذَرَتْهُ الْوَفَا. Et au milieu du chemin, quand il allait vers cette contrée-là, où est-ce qu'il y avait des gens pieux, eh bien, la mort l'a rattrapé. La mort l'a rattrapé. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. Et là, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, eh bien, on divergeait à son sujet. Et on commençait à conjecturer. Et chacun voulant le prendre. فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أن يقسم الطريق، فإن كان أقرب إلى بلده دخل النار، وإن كان أقرب إلى بلد الصالحين دخل الجنة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande sagesse, la tranchée, il leur a dit de couper le chemin en deux. Si cette personne était plus proche de sa contrée à elle, où est-ce qu'elle avait commis ses péchés, et elle avait tué ses 100 personnes, eh bien, ce seraient les anges du châtiment qui le prendraient. Et si il était plus proche de la contrée où il se dirigeait, hein, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des gens pieux, eh bien, il entrera au paradis. فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى بَلَدِ الصَّالِحِينَ فَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Ils l'ont trouvé plus proche, hein, il était plus proche, il était à proximité du pays où est-ce qu'il y avait les pieux. Et donc, il est rentré au paradis. Et ça prouve ce hadith. Il prouve, eh bien, les bienfaits et la grâce d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir des serviteurs, peu importe ce qu'ils ont commis et ce qu'ils ont fait comme péché. À partir du moment où est-ce que la personne, elle revient à Allah Azza wa Jal et qu'elle est sincère dans son repentir, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. فَهَذَا الرَّجُلْ فَعَلَ فِعْلًا عَظِيمًا. Cet homme, il a tué 100 personnes. Hein? Il a tué, c'est des assassinats qu'il a commis. C'est pas un ou deux hommes, c'est 100. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal a accepté son repentir. Et il lui a pardonné ses péchés. Et il l'a fait entrer au paradis. À partir du moment où est-ce qu'il a su que cette personne était véridique. Dans quoi? Dans son repentir. Wallahu Azza wa Jal yunadi ibadahu, fayakulu subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadi, الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل interpelle ses serviteurs et il leur dit quoi? Il leur dit: dis, ô mes serviteurs, qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah عز وجل. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Ça prouve la miséricorde de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ça prouve la miséricorde de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du repentir. Et que ces portes du repentir sont ouvertes jusqu'à ce que la personne, hein, meure. Ou avant, eh bien, que le soleil ne se lève de son couchant. Comme on a informé le prophète alayhi salatu wassalam, d'après le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir du serviteur à partir du moment qu'il n'agonise pas. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man taba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui se repent avant que le soleil ne se lève de son couchant, Allah Azza wa Jal accepte son repentir. Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Donc il convient à celui qui commet des péchés, wa kulluna mudhnibun. Et on commet tous des péchés. Il n'y a pas un qui peut dire on ne fait pas de péché. Tous, on fait des péchés. Il convient, eh bien, de se réveiller de notre distraction. Et également de notre sommeil, de se réveiller de notre sommeil et de se précipiter à se repentir. Parce que la personne, en réalité, elle ne sait pas quand est-ce que la mort viendra soudainement. يقول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Allah عز وجل, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: où que vous soyez, la mort vous rattrapera, même si vous êtes dans des citadelles imprenables, dans des forteresses imprenables. Peu importe où est-ce que tu te caches, la mort, elle va te rattraper. C'est pour cette raison que la personne, eh bien, elle doit revenir, elle doit se précipiter à se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Et Allah azza wa jalla, il dit, eh bien, aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Hein? Aucune âme ne sait, aucun d'entre nous ne sait où est-ce qu'il va mourir. La mort, elle peut survenir soudainement. On ne sait pas. C'est pour cette raison qu'il faut se repentir constamment Allah Azza wa Jal. Comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il implorait le pardon d'Allah Azza wa Jal plus de 70 fois. Et dans d'autres versions, plus de 100 fois par jour. Et ça, c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Que dire de nous, masakin? Wa tawba al-maqboula. Tawba al-maqboula inda Allah. Hiya tawbatun nasuh. Et le repentir qui est accepté d'Allah Azza wa Jal, c'est le repentir sincère. Comme a fait cet homme. Hein? Et c'est ce repentir sincère qui l'a fait entrer au paradis. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الله عز وجل dit oh vous qui avez cru, repentez-vous Allah عز وجل d'un repentir sincère. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Il se peut qu'Allah عز وجل par ce repentir sincère, eh bien il expie vos erreurs et vous fasse rentrer au paradis sous lequel coulent des ruisseaux. C'est pour cette raison, ayyuha al-ikhwa, eh bien que ce hadith, en vérité, c'est un hadith grandiose. Et on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Et on peut eh bien parler de ce hadith encore longuement. Mais à la kulli hal, notre sujet, c'est pas ça. Notre sujet, eh bien, ça prouve eh bien que les gens de science ne sont pas comme les adorateurs. Et que ceux qui commettent des péchés, eh bien, sauvent et sont une cause de sauvetage de ceux qui commettent des péchés. Les gens de science sont une cause de sauvetage pour ceux qui commettent des péchés, puisque eh bien c'est lui qui l'a conseillé d'aller vers ce pays et de se repentir à Allah Azza wa Jal. Et on connaît la fin de cette personne et il entre au paradis par la cause eh bien de son repentir et de cet homme de science qui l'a conseillé dans le bien. Sabi'u ashar anna Allah ta'ala yumayyizu ahl al-'ilm عن غيرهم يوم القيامة. Également ce qui prouve les bienfaits des gens de science et de la science et de son apprentissage, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue les gens de science sur les autres le jour de la résurrection. Et ceci pour montrer eh bien leurs bienfaits et leur honorabilité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة بربوة وقد روى الحاكم في مستدركه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه إنه يأتي يوم القيامة إمام العلماء بربوة يعني خطوة ومنزلة والزيادة ولا شك أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه هو أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. Prophète صلى الله عليه وسلم, il dit de Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, et ça prouve eh bien que celui qui apprend la science, il sera distingué par rapport à celui qui n'a pas appris. Il dit en parlant de Mu'adh ibn Jabal, et Mu'adh رضي الله عنه était parmi les grands compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Prophète صلى الله عليه وسلم, il dit dans un hadith, faites réciter, ou faites-vous réciter ou enseigner le Coran par quatre individus. Abdullah ibn Mas'ud, wa Salim, Mawla Abi Hudayfa, wa Ubay ibn Ka'b, wa Mu'adh ibn Jabal. Comme il y a dans le Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu hommage à Mu'adh, radiyallahu anhu, en disant Mu'adh ibn Jabal, et celui parmi les membres de ma communauté qui sait parfaitement distinguer le licite de l'illicite. Et ça, c'est l'attestation du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, ça a élevé son rang. Et son rang sera élevé par rapport, eh bien, aux autres de sa communauté. Et également, ce qui prouve, eh bien, les mérites de Mu'adh, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a pris Mu'adh par la main, radiyallahu anhu, et il a dit, Ya Mu'adh, inni wallahi inni la uhibbuk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Mu'adh, par Allah azza wa jal, je t'aime. Ça prouve les mérites de Mu'adh, radiyallahu anhu. Et Omar, radiyallahu anhu, il a dit sur son lit de mort, si Mu'adh ibn Jabal était vivant, je l'aurais désigné à ma succession. Et quand je me présenterai devant Allah azza wa jal, et qu'il me demandera qui as-tu laissé ou qui as-tu désigné au commandement de la communauté de Mohammed, je dirai j'ai désigné Mu'adh ibn Jabal. C'est ce que j'avais entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le jour de la résurrection. Mu'adh ibn Jabal sera l'imam des savants, de par sa connaissance du licite et de l'illicite. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit de lui en parlant de Mu'adh, nous comparions Mu'adh au prophète Ibrahim alayhi salam. Et Ibn Hawshab, il a dit quand les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam citaient des hadiths en présence de Mu'adh ibn Jabal, ils le regardaient avec une crainte respectueuse. Ça, ça prouve eh bien les bienfaits et le haut degré de la science. Et les bienfaits d'apprendre cette science. ثامن عشر أن العلماء في أعلى عليين مع الملائكة المقربين ويرتقي طالب العلم في الجنة على قدر علمه فقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également ce qui prouve les bienfaits de la science et de son apprentissage, c'est que les gens de science seront au plus haut degré du paradis avec les anges rapprochés. Et l'étudiant en science qui aura appris le Coran et qui l'aura appliqué, eh bien sera au paradis selon ses œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui est habile quant à la lecture du Coran et qui aura appris le Coran et qui l'aura appliqué, sera en compagnie des pieux et noble ange écrivain. Et il est dit, il sera dit également à celui qui aura appris et appliqué le Coran, lis le Coran et psalmodie-le et monte. Ton degré sera au dernier verset que tu lisais. Et on avait dit que le fait de connaître le Coran, c'est pas seulement de lire, mais c'est également, eh bien, de l'avoir appliqué. Hein, et d'avoir délaissé ses interdits et d'avoir appliqué ses ordres. وتاسع عشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تأتيان في سورة غمامتين تظلان صاحبهما يوم القيامة. Également, البقرة وآل عمران viendront le jour de la résurrection comme deux nuages qui feront de l'ombre à ceux qui les lisaient et qui les appliquaient. وعشرون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حامل القرآن يشفع في عشرة من أهله يوم القيامة ويلبس الله تبارك وتعالى والديه تاج الوقار. Également, le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous informe que celui qui connaît le Coran et qui l'a appris et qui l'a appliqué, eh bien intercédera pour 10 membres de sa famille le jour de la résurrection. Et Allah عز وجل, eh bien, mettra une la couronne de la dignité sur la tête de ses parents. وكذلك أن الله تبارك وتعالى يرزق أهل العلم أجرا كثيرا مضاعفا على كثرة قراءتهم للقرآن. Et ce qui prouve également les bienfaits de la science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, gratifiera d'une bonne subsistance ou d'une bonne récompense, pardon, et il multipliera la récompense des gens de science du fait qu'ils lisaient et multipliaient la lecture du Coran et qu'ils argumentaient eh bien avec le Coran et également qu'ils recherchaient la science et qu'ils apprenaient et recherchaient la science dans le Coran et dans la Sunna du messager alayhi salatu wassalam, et également le fait eh bien qu'ils multipliaient la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam à chaque fois, eh bien, qu'un hadith était évoqué. Et également, ils imploraient la satisfaction d'Allah Azza wa Jal sur les compagnons et sur les pieux et sur les savants. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كتاب الله فإن كل حرف بحسنة. Prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, lisez le livre d'Allah Azza wa Jal, car il y a dans la lecture de chaque lettre une hasana, une bonne action. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Et la bonne action est multipliée par 10. لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْف وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْف وَلَامٌ حَرْف وَمِيمٌ حَرْف. Et je ne dis pas qu'Alif la Mim est une lettre, mais Alif est une lettre seule, et Lam est une lettre seule, et Mim est une lettre seule. وَقَالَ أَيْضًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً sallallahu alayhi biha ashara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prie une seule fois sur moi, Allah azza wa jal, eh bien, priera 10 fois sur lui. C'est-à-dire qu'il l'évoquera auprès des anges rapprochés qui sont auprès de lui. Wa akhbara alayhi salatu wassalam, anna al-muslim, idha da'a li akhihi bil-ghayb, qala lahu al-malak, wa laka bimthlihi. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe que celui qui invoque pour son frère musulman, hein, en son absence, comme quand, lorsqu'on dit, eh bien, radiyallahu anhum ani sahaba, wa rahimahullah, hein, quand on invoque la miséricorde d'Allah azza wa jal sur nos pieux prédécesseurs décédés ou sur nos savants décédés, ou qu'on demande la satisfaction d'Allah azza wa jal sur les compagnons, hein, alors qu'ils ne sont pas présents, eh bien, l'ange qui entend ça, il dit, et pour toi, la même chose. Et pour toi, la même chose. وكذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب طلب العلم على الناس. الله عز وجل il a rendu obligatoire l'étude de la science religieuse. فاوجب طلب العلم على الناس فيثاب فاعله ويأثم تاركه. Celui qui demande la science, il sera rétribué, il aura de la récompense. Et celui qui délaisse la science, eh bien, prendra un péché. فَمِنْهُمَا هُوَ وَاجِبٌ وُجُوبَ كِفَايَ. Parmi la science, il y a une science qui est obligatoire pour certaines, pour une partie des musulmans, pas tous les musulmans. إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي مِنَ الْأُمَّةِ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ. Si une partie des musulmans apprend cette science, eh bien, l'autre partie, une autre partie des musulmans ne sera pas obligée de l'apprendre, hein. كالتخصص في التفسير, comme le fait, eh bien, de se spécialiser dans l'explication du Coran, ou dans les sciences du hadith, ou dans la langue arabe, etc. Parmi les autres sciences qui ne sont pas obligatoires. Et parmi les sciences, il y a des sciences ou une science qui est obligatoire pour chaque membre de la communauté. Chaque personne musulmane, hein, qui est douée de raison et qui est pubère et qui est responsable de ses actes est obligé d'apprendre une certaine partie de la science. Et si elle la délaisse, elle sera considérée comme quelqu'un qui aura commis un péché. Comme par exemple apprendre sourate al-Fatiha, c'est obligatoire pour chaque personne. Parce que le Fatiha, elle est obligatoire dans la prière. Et la prière n'est pas valable sans Fatiha. Donc tu es obligé d'apprendre le Fatiha. Ou d'apprendre la description des ablutions. Ou d'apprendre la description de la prière, comment prier le prophète, alayhi salatu wassalam. Ou d'apprendre également les fondements de la croyance musulmane. Ça, c'est des choses qui sont obligatoires pour chaque personne. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la recherche de la science et l'apprentissage de la science est une obligation pour chaque musulman. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العلم النافع. Il faut savoir que le prophète صلى الله عليه وسلم, il demandait à son Seigneur تبارك وتعالى la science utile. Quand il invoquait Allah عز وجل, le prophète صلى الله عليه وسلم, il demandait quoi? Une science utile. وأنفع العلم العلم الشرعي. Et la meilleure des sciences et la science la plus utile, c'est la science légiférée. C'est la science religieuse. Pourquoi? Parce qu'avec la science religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala réforme cette vie mondaine ainsi que dans l'au-delà. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqaddimu al-'ilm an-nafi' fi du'a'ihi 'ala talab ar-rizq wa qabul al-'amal. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azza wa jal, eh bien, il demandait en premier, avant la subsistance et avant d'accepter ses œuvres, il demandait quoi? La science utile. Ça prouve l'importance de la science et on est quoi? Et l'importance d'apprendre sa religion. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا بدأ بالعلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Prophète صلى الله عليه وسلم il disait, oh Seigneur, je te demande une science utile. Et donc il commence par quoi? Par la science utile. Et je te demande une bonne subsistance. Et je te demande l'acceptation des œuvres. وفي دعاء شرب ماء زمزم فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك علما نافعا. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il buvait l'eau de Zamzam, il demandait ô Seigneur, je te demande une science utile. Hein? Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, une subsistance large, wa shifa'an min kulli da. Et il demandait également de le guérir, une guérison contre tous les maux. Mais la première des choses par laquelle il commençait à demander, c'était quoi? C'était la science utile. C'était la science utile parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'importance de la science. Et que sans la science, le reste, eh bien, pourrait être inutile. Sans cette science. وَمِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِجْلَالِهِ الْإِحْسَانُ إِلَهِ الْعِلْمِ. Également, ce qui prouve l'honorabilité de la science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bienfaisant avec les gens de science. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن وذي الشيبة المسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit parmi le fait ou la gratification d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il honore celui qui supporte le Coran, celui qui connaît le Coran et qui l'a appliqué bien entendu, et celui qui possède des cheveux blancs parmi le musulman. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les honore ces gens-là. Wa ahlul ilm atba'u al-anbiya wa khulafa'uhum wa warathatuhum. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nahnu ma'shar al-anbiya la nuwarithu dirhaman wa la dinaran innama nuwarithu al-ilm faman akhadhahu faqad faza bihadhin wafir wa inna al-ulama warathatu al-anbiya. Il faut savoir également que les gens de science, sont les suiveurs et les successeurs et les héritiers des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous, les prophètes, n'avons laissé en héritage ni dirham, ni dinar. Le dirham, c'est la pièce d'argent, et le dinar, c'est les pièces d'or. Mais nous avons laissé en héritage la science. Celui qui l'aura pris aura pris une part complète. Celui qui aura pris la science aura pris une part complète. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et l'héritage qu'ont laissé les prophètes, c'est cette science. Un jour, Abu Huraira, radiallahu anhu wa arda, il est parti au marché et il a dit aux gens du marché, vous êtes ici en train de vendre et acheter alors que l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam est en train d'être partagé. Ils lui ont dit, où il est cet héritage? Il leur a dit, dans la mosquée. Et tout le monde est parti dans la mosquée. Ils sont rentrés dans la mosquée pour profiter de l'héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Après un certain temps, ils sont ressortis. Et ils ont dit à Abu Huraira, nous n'avons rien trouvé. Il est où l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam? Abu Huraira radiallahu anhu, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez vu dans la mosquée? Il a dit, nous avons vu des gens lire le Coran, des gens évoquer Allah Azza wa Jal, des gens prier, des gens étudier la science. Il leur a dit, malheur à vous, c'est ça l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète et les messagers, ils ont laissé en héritage que la science. À nous, de prendre cette part d'héritage que nous ont laissé et que nous ont légué les prophètes et les messagers. وَبِالْ عِلْمِ وَالْعَمَلِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. يقول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Il faut savoir que c'est avec la science et avec l'application de cette science qu'est atteinte l'imama, la guidance dans la religion. Prophète Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyez fermement à nos versets. فقال ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. C'est avec la patience et avec la certitude, eh bien, qu'est atteinte la guidance dans la religion. Ça, ça prouve, et tous ces textes qu'on a mentionnés prouvent clairement que la science et les gens de science ont une importance énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça doit nous motiver encore plus à apprendre notre religion, hein, et à prendre une part de l'héritage que nous a laissé notre messager bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, eh bien, qui nous disons suivre la sunna, c'est nous les premiers à faire yani, cet effort et à assister aux assises de science et à écouter les durus, à écouter les cours et à écouter le Coran et à l'appliquer et à l'apprendre et à l'enseigner si on en a la capacité. هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.